Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de ce soir en français. Tout d'abord les titres. Adoption ce mardi par l'Assemblée nationale et le projet de loi de l'accord de don de 80 milliards de dollars américains de la part de l'Association internationale de développement IDA. Et les femmes ne sont pas bien représentées dans les organes de prise de décision. Constant de Dafroze Nderelimana, représentante des femmes et de Ngozi. Échanger sur les possibilités de déploiement d'une unité additionnelle et des troupes bondées en Centrafrique. Et l'objectif est d'une visite du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de maintien de la paix au Burundi. Et en page chronique santé, nous allons vous parler du traitement de la lombalgie. Voilà pour les titres. Albert Ndouaïa sur la mise en onde et à la présentation. Vous êtes avec Jean-Marie Mayonga. Rebonsoir et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page coopération échangée sur les étapes et déjà franchies pour signer un mémorandum d'entente pour une unité additionnelle des troupes burundaises en Centrafrique. L'une des visées du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix en visite au Burundi. Après une audience ce mardi à la plus mature, le porte-parole du Premier ministre burundais Moïse Nkurunziza a précisé que cette autorité onusienne a apprécié l'état des lieux de paix et de sécurité qui règne au Burundi. Suivez les précisions de Moïse Nkurunziza. Les deux autorités ont échangé essentiellement sur la paix et la sécurité, et non seulement au Burundi, mais aussi dans les pays voisins, spécialement la République démocratique du Congo. Donc les deux autorités ont manifesté l'intérêt à ce que la RDC retrouve la paix. Cette autorité onusienne a précisé qu'il vient au Burundi pour remercier le Burundi dans les troupes qui prestent en Centrafrique. Il a en second lieu précisé qu'il est venu au Burundi pour échanger avec les autorités burundaises sur les étapes en cours pour qu'un mémorandum d'entente puisse être signé afin qu'une unité additionnelle puisse être déployée en Centrafrique. Son Excellence Monsieur le Premier ministre a précisé que le Burundi dispose de deux centres opérationnels, l'un pour l'armée burundaise et l'autre pour la police burundaise. Les deux centres sont opérationnels, sont équipés et préparent des hommes qui restent en attente pour intervenir en cas de besoin et s'ils demandent d'une organisation onusienne ou d'une organisation africaine. Continuons cette édition. La défense des procédures de passation et de gestion des marchés publics et l'attribution des marchés publics à des soumissionnaires qui ne le méritent pas sont certaines des irrégularités qui surviennent en matière de marchés publics. Propos de la directrice de la formation à l'autorité de régulation des marchés publics au cours d'une session de renforcement des capacités destinées aux avocats de l'État responsable de la cellule de gestion des marchés publics ce mardi à Karoussi. Minani Claudine a déclaré que cet état de fait est à l'origine de la perte du temps et des moyens financiers de la part de l'État. Les détails avec Jean-Dodier Irakodze. Lors d'une session de renforcement des capacités à l'endroit des avocats de l'État et des responsables de la cellule de gestion des marchés publics à Karoussi ce mardi, une session organisée par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, et le ministère de la Justice, les irrégularités qui surgissent en matière de marchés publics ont fait objet de discussions parmi lesquelles figure l'attribution des marchés aux soumissionnaires incompétents. Minane Claudine est directrice de la formation et l'appui technique à l'autorité de régulation du marché public. Le plus souvent pour les avocats de l'État, c'est qu'ils ne maîtrisent pas les procédures de passation et de gestion des marchés publics. Et pour ceux qui sont parmi les membres de la cellule de gestion des marchés publics, et aussi ils ne maîtrisent pas bien la loi, il peut y avoir lors de leur travail en rapport avec les marchés publics, les soumissionnaires peuvent exercer une influence sur certaines commissions afin de pouvoir gagner le marché alors qu'ils ne sont pas capables d'exécuter le marché. La perte de la part de l'État en moyens financiers temporels sont certaines conséquences liées à l'attribution des marchés publics non conformes à la loi. Les conséquences pour le cas des membres de la CDG de gestion des marchés publics, c'est que le marché sera attribué à celui qui n'est pas capable de faire le travail. C'est une perte pour l'État parce que l'exécution de ce marché ne se fera bien. Et aussi, on sait que le montant qui est alloué à ce marché, il peut être consistant. Et dans ce cas, c'est la perte pour le pays. Et le plus souvent, on constate que lorsqu'il y a ces irrégularités, ces soumissionnaires n'exercent pas ces recours suite à la non-maîtrise de la loi. Le premier point qui sort de l'autorité de régulation des marchés publics, c'est la suspension de la procédure. Vous voyez que la durée qui était en partie à l'exécution de ce marché ne sera pas la même. Lorsqu'on le rétablit dans ses droits, c'est une perte du fait que c'est l'État même qui va aussi retourner pour réparer ses dommages. Selon ce responsable de la formation à l'autorité de régulation du marché public, le respect des procédures de passation et de gestion des marchés publics est le seul pouvant épargner à l'État les pertes en cette matière. Depuis Karusi, Jean de Dieu Irakoze pour la radio Isanganiro. Merci à toi Jean de Dieu Irakoze. Voter des lois renforçant les droits de la femme et les sensibiliser sur ces dernières sont les unes des stratégies pour renforcer les droits de la femme. Propos d'une experte en droit de l'homme et dans un atelier organisé par l'association des femmes et parlementaires du Burundi à l'intention des femmes sénatrices ce mardi. Madeleine Katabarumwe appelle les femmes élues de plaider sans peur pour les femmes sans peur. Suivez, elle est traduite en français par Nicole Nazgou. Pour améliorer les droits de la femme, il faut commencer par son éducation, car il faut qu'elle aille à l'école, tout comme les garçons. Après, celles qui terminent les études, il faut qu'elles aient l'engouement d'avoir des postes à haute responsabilité, ne pas se dévaloriser, sinon il sera difficile que les autres l'apprécient. Et puis, les autorités doivent les aider. Les femmes élues doivent d'abord sensibiliser leurs consoeurs et leur servir de modèle. Les femmes élues comme députées ou sénatrices ont un grand rôle dans le vote des lois qui visent à faire respecter la femme. À côté de ça, il y a la sensibilisation à travers les associations des femmes. Les femmes élues ont des moyens et devraient les utiliser, non pas pour se développer elles seules, mais pour développer leurs sœurs également et plaider sans peur en leur faveur. Page société à 18h passé de 9 minutes et les gestionnaires du site des déplacés de Kinyinya 2 en zone Egatumba sont accusés par ces derniers de détourner l'aide destinée aux victimes des inondations. Ces gestionnaires nient ces accusations et affirment que les listes des nécessiteux sont établies dans la transparence. Armel Motori. Les plaintes sont nombreuses de la part de certains déplacés du site Kinyinya 2 en zone Egatumba. Ils accusent les gestionnaires de ce site de détourner l'aide leur destinée. Lorsque l'aide arrive, les gestionnaires du site ne sont pas impartiaux. Ils privilégient leurs connaissances ou demandent des pots de vin pour être mis sur les listes. Oui, l'exemple est la distribution des cartes SIM par la FECABU. La FECABU est venue avec l'objectif de distribuer 1200 cartes SIM, mais le site comptait à ce moment 900 déplacés. Mais tout le monde n'a pas reçu. Seules 800 personnes ont pu bénéficier de ces cartes SIM. Où sont passés les 400 autres? Les cartes SIM étaient utilisées par la FECABU pour envoyer de l'argent, une somme de 100 000 francs burundais par personne. Ihori Mbereerigan, l'un des gestionnaires du site Kinyinya 2, nie ces accusations. Il affirme que l'établissement des listes des bénéficiaires de l'aide se déroule dans la transparence. En réalité, ce ne sont que des rumeurs. L'État et certains bienfaiteurs apportent une aide pour tout le monde, mais il y a certains bienfaiteurs qui apportent une aide pour certains 300 ou 400 personnes et ils ciblent certaines catégories de personnes. Les vierges, par exemple, nous ne pouvons pas imposer à un bienfaiteur qui apporte son aide. Plutôt, nous travaillons ensemble pour établir la liste des bénéficiaires. La FECABU est venue ici alors que le site comptait un effectif de 1800 déplacés et la FECABU voulait aider seulement 1288 personnes. Et le ciblage a été effectué ensemble avec la FECABU. Les déplacés de ce site demandent aux bienfaiteurs de s'assurer que l'aide arrive bien aux nécessiteux en arrivant directement sur les tentes. Ce qui doit être fait, c'est de rectifier la façon de distribuer l'aide, éviter les listes et distribuer par tente, afin de vérifier si l'aide arrive réellement au destinataire. Le premier responsable de ce site, Kinyinya 2, est en même temps chef culinaire de cette localité. Merci à toi, Armel Emoutor. Je vous l'avais dit en titre, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi le projet de loi portant ratification de la République du Burundi de l'accord de don de 80 millions de dollars de la part de l'Association internationale de développement IDA. François Vialima, la ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique qui a présenté ce projet, précise que le projet se focalise sur l'amélioration des compétences et de l'employabilité des femmes et des jeunes. Certains des élus du peuple estiment que 20 millions de dollars destinés à la jeunesse ne suffisent pas, vu son effectif au Mandoaï. Le ministre François Havyarimana, qui a exposé ce projet devant les élus du peuple, a indiqué que le projet vise le renforcement des capacités chez les jeunes et les femmes afin d'être compétitifs sur le marché du travail. À ce sujet, les députés, à l'instar de Zenobi Girimana, se sont interrogés sur le fonctionnement des écoles techniques. Beaucoup de centres d'enseignement des métiers ne sont pas fonctionnels. Quelle est la plus-value de ce projet sur ces centres? Le ministre François rassure, nous sommes en passe de faire face à ces défis, a-t-il dit. Nous reconnaissons l'existence des centres d'enseignement, mais qui ne fonctionnent pas normalement. Mais nous sommes à l'œuvre pour trouver des solutions. C'est pourquoi certains des 1000 enseignants récemment recrutés ont été affectés dans les centres d'enseignement des métiers. Le député Martin Nivyabandi lui trouve que les 20 millions de dollars destinés aux jeunes ne suffisent pas au moment où la députée Joki Chantal se demande sur la durabilité du projet après les 5 ans prévus. Comment est-ce que le gouvernement compte pérenniser ce projet après les 5 ans d'exécution? Pour le ministre, cette enveloppe n'est pas négligeable. Il indique que le gouvernement appuiera la continuité du projet. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Tous les problèmes ne peuvent pas être résolus en même temps. C'est un projet de 5 ans et après ce temps, le gouvernement restera à l'œuvre pour le pérenniser. Néanmoins, le projet PAG continuera à appuyer les jeunes afin de diminuer l'effectif des jeunes chômeurs. Ce projet conserve les jeunes et les femmes dont l'âge est compris entre 14 et 35 ans. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Isanganiro Journal continue. Nouvelle des provinces Ngozi. Aucune femme est chef de zone en province Ngozi sur les 32 qui compte cette province. Lors d'une réunion d'échange organisée par l'organisation GLID, d'Afrose Ndereimana, représentante des femmes à Ngozi, déplore le quota des femmes dans les organes de prise de décision et chefs de service. Les femmes leaders de cette province ont émis le souhait de voir dans les institutions 50% des femmes et non les 30% d'Arusha. Le point avec Apollinaire Muzagar. Comme l'indique la présence des femmes en province Ngozi, le taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision reste très bas dans cette province. La force Ngozi-Mahana donne l'exemple des chefs de zone où la province Ngozi, qui compte 32 zones, n'a aucune femme à la tête. Elle évoque aussi le secteur de la santé, où il n'y a aucune femme directrice de l'hôpital et du site sanitaire, sauf pour les centres de santé, mais même pour les autres services. Cette représentante des femmes de Ngozi n'en est pas satisfaite. Dans une réunion organisée par l'ONG, local Great Lakes and King Development, sous la prise de cœur internationale, les femmes leaders ont évoqué les principaux défis. Il s'agit entre autres du manque de solidarité pour les femmes, sans oublier le manque de soutien de ces dernières par leurs maris quant à leur élection dans les organes dirigeants des partis politiques, même dans les associations d'autres développements. Les participants à cette rencontre ont émis le souhait de plus de réunions de sensibilisation des hommes mariés aux femmes élues, pour leur expliquer le bien fondé de voir leur conjoint dans les centres dirigeants et aux femmes, plus de solidarité actuellement qu'avant. Donc, aussi, apprenez Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à toi, Apollinaire Muzagara. Rendons-nous à Muyinga, où les habitants vivants du centre urbain de Muyinga éprouvent des difficultés à trouver un cimetière depuis que celui de Kinyota est fermé. Ils sont obligés d'enterrer les leurs en zone Munagano de la commune Muyinga ou en zone Kirimba de Gasorgwe. Amede Misago, administrateur communal de Muyinga, promet d'organiser les travaux de développement communautaire visant à refectionner la route Mena au cimetière de Kayenzi, situé à 4 km du centre-ville, mais aujourd'hui difficile à emprunter. Pierre Claver Barundi. Ensevelir les morts n'est pas chose facile depuis que le cimetière de Kinyota est fermé. Les citadins de Muyinga sont aujourd'hui obligés de se déplacer jusqu'en zone Munagano de la commune Muyinga, si ce n'est pas en zone Kirimba de la commune Gasorgwe, où il faut d'abord demander une permission spéciale à l'administration de base. Le cimetière le plus proche se trouve à Kayenzi, mais la route est impraticable. Aujourd'hui, quand on perd un membre de famille, c'est un problème. Pourquoi? Parce que on a plus de cimetière ici. Le cimetière le plus proche est à Kayenzi. Et là, la route n'est pas carrossable. Il demande à l'administration de tout faire pour réfectionner cette route. Nous demandons à l'administration, si possible, de réfectionner la route. Comme ça, ça nous sera facile d'y arriver. Amédée Misago, administrateur communal de Muyinga, fait savoir qu'il entend organiser des travaux de développement communautaire pour cette fin. Notre projet est que la population de Kiwi et Kibogoye effectue des travaux de développement sur ce tronçon. Nous allons bientôt lancer officiellement ces travaux. Mais aujourd'hui, personne ne peut prétendre manquer de cimetière, car même les voitures peuvent y arriver. Il invite les citadins à utiliser ce nouveau cimetière qui, selon lui, se situe à seulement 4 km du centre-ville. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci à toi, Pierre Claver Barundi. Page sport en bref. Retour triomphal de 19 karatéka bondés en provenance de Goma, République démocratique du Congo, où s'est déroulée la première édition du tournoi d'amitié des pays des Grands Lacs. Dans ce tournoi, le Burundi a remporté 15 médailles, tandis que la RDC a reçu 16 médailles, 14 pour la Tanzanie et 3 médailles pour l'Ouganda. Ce tournoi a été organisé par la Fédération du karaté du Congo en date du 18 au 24 octobre de cette année. Radio Isanganiro, chronique santé. Des examens comme la radiographie ou le scanner peuvent être prescrits une fois constaté que la lombalgie a été causée par une autre maladie, contrairement à la mauvaise utilisation du dos. Le rhumatologue Alexis Sinzakaraye précise que le traitement consiste essentiellement à soulager les douleurs. Ce spécialiste conseille aux gens de ne pas rester assis plus de 4 heures sans se lever. Ornella Mucho. Une fois que l'interrogatoire et l'examen clinique ne suffisent pas en cas de doute, les examens deviennent utiles comme la radiographie, laquelle est l'examen de base. Le rhumatologue Alexis Nzakaraye précise qu'après le diagnostic, c'est le traitement du mal du dos. D'abord, rassurer les malades, donner des médicaments pour calmer la douleur, pour relâcher les muscles du dos, faire la kinésithérapie pour aider à relâchement des muscles, pour rendre la colonne vertébrale souple. Et après, on va procéder au renforcement des muscles du dos, surtout quand la lombalgie est chronique. Quand la lombalgie est encore aiguë, le traitement médicamenteux, quelques séances de kinésithérapie, ça peut arranger la chose, ça peut faire disparaître la douleur. La complication, c'est lorsque la lombalgie devient chronique, surtout si elle n'a pas été traitée adéquatement ou bien si elle a été traitée tardivement. Si c'est une lombalgie commune, normalement, il n'y a pas de complications localisées. Mais les complications sont surtout fonctionnelles en termes de perte de rendement, en termes de sous-utilisation du dos, en termes de faiblesse sur le plan, manque de rendement sur le plan socio-économique. Une personne qui a une douleur chronique, mais si c'est une lombalgie symptomatique pour une autre maladie, ça c'est autre chose. Si c'est un cancer, il y aura destruction de la colonne vertébrale, il y aura complication, compression médulaire, il y a d'autres complications. Avec une paralysie, il y a cette compression. Lutter contre la sédentarité, c'est se prévenir contre la lombalgie. Éviter de trop solliciter le dos. Je n'ai pas dit ne pas utiliser le dos, mais solliciter le dos en mauvaise position, éviter les positions assises prolongées, surtout les gens de travail de bureau, éviter aussi les positions debout prolongées, éviter de soulever les charges, le dos ne supporte pas. Pour les utilisateurs d'engins vibrants, éviter de trop rester sur l'engin pendant des durées prolongées. Même si on est dans une situation, si on est malade et qu'on a du mal à bouger, essayer d'être le moins possible en position allongée, en position assise. Pour les femmes enceintes ou les femmes en postpartum après l'accouchement, essayer de bouger le plus possible. Ne pas rester aussi en situation de sédentarité. Ce rhumatologue ajoute également qu'il est important d'avoir de bonnes positions dans les gestes de la vie courante et se faire soigner à temps pour le traitement efficace. Merci à Ronella Mucho pour la chronique santé. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la technique. Jean-Marie Mayonga était à la présentation. Bonne soirée chez vous et bonne suite de nos programmes.